victoire est sûre. En haut, les cœurs, c'est lui qui nous appelle. Oh, Tout le long du voyage, tout le long de la vie, restez fidèle au Seigneur. C'est un engagement de bonne conscience depuis les eaux de baptême. Et nous devons garder notre engagement envers le Seigneur jusqu'à la fin du combat. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ceux qui combattent le bon combat de la foi. Notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Notre foi en Jésus-Christ n'est pas vaine. Notre confiance en lui mérite de récompense de sa part. Tout ce que nous voyons passera. Et la parole que Dieu nous a donnée demeurera. Prions. Dieu Tout-Puissant. Notre Père Céleste. Nous te rendons gloire et hommage. Pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Pour cette soirée que tu nous donnes. Sur la terre des vivants. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Les remerciements les plus sincères. Et nous adorons et glorifions ton nom. Qui nous accorde ce bon moment de culte et d'adoration, de prière et de méditation. Conduis la réunion de ce soir, agrée les chants de louanges et tout ce que nous t'offrons. Reçois-les de bon cœur pour l'agréer et nous bénir. Exauce nos prières lorsque tu te souviendras des enfants de Dieu à travers le monde, des membres de l'Église. Souviens-toi aussi de ce petit troupeau et fais-nous du bien selon ton plan. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, parle à chaque cœur maintenant par la parole de vérité pour édifier notre foi et nous affermir davantage dans les affaires du royaume de Dieu. Nous nous offrons à toi pour que tu nous façonnes, que tu nous enseignes, que tu nous apprennes, que tu nourrisses nos âmes, que nous éclaire, que nous conduise et que nous remplisse de tout ce qui nous manque. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Ézéchiel au chapitre 7e, le verset 5 à 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient, la fin vient, elle se réveille contre toi, voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans la montagne. Suka ekoni, suka yango ekoni, yango ekuti na likolo na yo tala, yango ekoni. Likamba na yo esilile kokoma na yo, yo mpe movandi na mokili oyo. Tango ekoti, mokolo na yiki iki ebeleli, mpe mokolo na konganga na esengo na likolo na nkeka te. Apocalypse chapitre 16. Emoniseli mokapo ya zomi na motoba. Verset 13 à 16. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat des grands jours du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens bientôt, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Namoni mibu pona mbingoni satu lokola mbemba. Kubimaka na monoko na dalako na mpe na nyama mpe na mosakuli na lukuta. Mpoete bazali mibu mumabe kosala kabilembo. Ba oyo bakei epai na bakonzi na mokili nyonso. Koyanganisaka bango pona etumba na mokolo yango monene. Na nzambe mozwi nango ya nyonso. Tala, na koya lokola moibi. Esengo na ye oyo angengeli mpe abateli bilamba na ye. Ete atambola bulungute mpe amona manansoni ki. Bayanganisaki bango na esika ebiangami na monoko na bayebelete na la bakadom. Joël chapitre 3, verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Sakola oyo kati na mabote ete. Bulisa etumba. La mukisaka bato na makasi. Tika ete bato na yotumba babelema. Tika ete babuta. Sadio bénisse la lecture de sa parole. C'est un zambé à pambola botangelo. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Kokinde komanda na komo na kolo na Jésus Christ. Nous rendons gloire à Dieu pour ce soir. Nous rendons zambé pour un poco oyo. Sur la terre des vivants. Ah, ouais, belle, c'est grâce à ses bontés que chacun de nous respire encore. Grâce aux bontés du Seigneur Dieu. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour toi. Il est bon pour vous. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Mais ce Dieu bon fait toutes choses selon son plan. Dans son plan, il a prévu le temps de la rédemption, un jour du salut, une année pour se racheter, l'année de grâce. Il avait prévu ça. Mais à la fin de cela ou après cela, le même Dieu qui est bon, qui est un roi de justice, le grand roi de justice, a prévu un jour de colère. Il va assouvir sa colère. Et c'est terrible. Ici dans Ézéchiel chapitre 7 que nous avons lu ici, il l'exprime un peu, quelque peu bas là. Il dit ceci, Ézéchiel 7, verset 8, à 10, il dit, maintenant, je veux bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies. Et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, c'est lui qui frappe. C'est lui qui est bon, merveilleux, mais il est aussi celui qui frappe. Et vous le saurez. Makambo na mbingo na yo, makozala na kati na yo. Mpe bino, bukoyabe te ngayi na zali yawe o ya betaka. Donc, il n'est pas que le Dieu bon, très bon, le Dieu merveilleux. Il est également celui qui frappe. Et il peut frapper jusqu'à vouloir satisfaire sa colère. assouvir sa colère. Donc, comme si sa colère était une faim qui réclamait un repas. Et le repas en question, ce seront des frappes. C'est le frappe jusqu'à ce qu'il soit fait d'avoir frappé. Et ça, c'est Dieu, le même Dieu, créateur. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Au verset 12, le temps vient, les jours approchent, que l'acheteur ne se réjouisse pas. Tu as pu acheter, tu avais ce projet à cœur. Dieu t'a prêté le souffle de vie jusqu'à réaliser les fachades d'histoires. Donc, tu peux le revendre pour faire des bénéfices. Et le capital augmente. Dieu dit d'avance que l'acheteur ne se réjouisse même pas. Que le vendeur ne s'afflige pas. Ah, si les choses ne coulent pas, on devient malheureux, mais au jour de la colère, et l'acheteur et le vendeur seront confondus. Personne n'aura la joie, mais Dieu cherchera à satisfaire sa colère. Il dit, car la colère éclate contre toute la multitude. Multitude des acheteurs et multitude des vendeurs. Toute cette multitude là, la colère de Dieu les frappera tous. Verset 13. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Serait-il encore parmi les vivants? Question. Le vendeur. Il ne s'afflige pas. Donc tu veux même vendre, mais quand la colère va frapper, tu ne pourras même pas recouvrer ce que tu as vendu. Rassembler tes bénéfices. Parce que la question, tu peux avoir vendu, oui. Tu te réjouis d'avoir vendu. Parce que seras-tu encore après cela, parmi les vivants? C'est la question. Serait-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Voyez-vous bien aimé? La fin vient. Le tour arrive, dit Dieu. Je ne prenez pas ça à la légère. Je vous ai dit dimanche, nous sommes dans une spirale presque irréversible. On ne va pas reculer, mais on va l'arrêter. Jusque trois pieds du mur. Jusque là, la bataille d'Armageddon n'a même pas encore commencé. Elle ne peut même pas commencer tant que l'Église est posée sur la terre. C'est pas le fait que le roi du Nord a désigné un général surnommé Armageddon que la bataille d'Armageddon a commencé. Loin de là. Elle ne peut pas trouver l'Église sur la terre. Ce n'est pas parce que le président des États-Unis d'Amérique a alerté contre cet apocalypse, hein, cet Armageddon nucléaire, que la bataille d'Armageddon a commencé. Non. Les alités mon président des États-Unis, le colonel Kennedy, qui m'a dit. Ce n'est pas parce que le président russe avait dit depuis 2011, comme on l'avait dimanche, qu'il faut se préparer à Armageddon. Les invités m'ont conduit au local à Tangitaki, Bakojama Pinga, et Sakabangwete, Babongisa, Makamoya, et Matadon, et Mugu, et Potomal, et Zomina, mon condé, et Mugu, et la femme. Et ne peut pas commencer quand l'église est sur la terre. Tumbawa est qui n'a pas de faire après la réponse de l'église. Mais tout ce qui se passe présentement, c'est la préparation de cette guerre. Qui dit amen? Ce qui se passe maintenant, c'est la préparation de cette guerre. Et pauvre Branham, déjà le 3 janvier 1954, dans les questions-réponses tenues ce jour-là, le matin, les questions-réponses du 3 janvier 1954, matin, au paragraphe 111, il disait ceci. Alors, qu'en est-il? Maintenant, regardez. Et quand je pense, mon cœur bondit. Oh, parce que là, dans Apocalypse 7, il y a un passage. Qui dit quoi? Retenez les 4 vents. Jusqu'à ce que, autrement dit, nous marquions du front le front des serviteurs de notre Dieu. Il dit, les serviteurs, ce sont les Juifs. Jean s'est retourné et a dit, j'ai vu 144 000 scellés. Maintenant, tous les vents se sont levés. Et ils ont recouvert la terre. Et la bataille d'Armageddon aurait pu avoir lieu lors de la Première Guerre mondiale. Aurait pu avoir lieu. Mais elle n'a pas eu lieu pour toi. Comme on l'a dit dimanche, Dieu contrôle. Chaque chose n'arrivera qu'en son temps. La parole n'est pas un bien Satan n'est pas le seul maître à bord. Satan n'est qu'un usurpateur. Il y a un Dieu souverain qui contrôle tout. Il est l'unique qui change les temps et les circonstances. Lisons ici Apocalypse 7, verset 1 et 2. Il est écrit ceci. Apocalypse 7, bon, on va même lire jusqu'au verset 3. Non. Ok. Apocalypse 7, verset 1 à 4, c'est mieux. Pour avoir la même pensée que ce qu'a dit Kop Kanami. Après cela, je vis 4 anges dehors aux 4 coins de la terre. 4 coins de la terre. Frère Branham s'est arrêté dans la prédication, je crois, 7e saut, en lisant ce verset également. Il a posé la question à l'église. Avez-vous déjà pensé au fait que la terre est un carré? Y avez-vous déjà pensé? Vous savez-vous que la terre est un carré? La que nous avons appris tout cela depuis l'école primaire. C'est un cercle. Faisons une parenthèse commentaire ici. Et vous le savez aussi comme ça. Maintenant, voici la Bible qui mentionne les 4 coins de la terre. Oh, un cercle, comme j'ai dessiné là, n'a pas de coin. Quatre coins. Mais c'est la Bible qui le dit. Il y avait 4 anges qui étaient postés aux 4 coins de la terre. Attends. Mes chers amis, c'est tellement vrai. Et lui, Dieu, il a dit 4 coins de la terre et c'est la Bible qui le dit là. Alors, quelqu'un a lu cette citation et il a tiré la conclusion. Voilà pourquoi la révélation est importante. Vous lisez la Bible, mais on ne la comprend pas. Il fallait un prophète. Oui, c'est bien, nous disons amen. Mais qu'est-ce que vous concluez? La terre, la science nous a trompés. Que la terre était un cercle. Mais le prophète nous dit que c'est un carré et il y a un verset qui l'appuie. Quand vous n'êtes pas un ministre de la parole, vous ne pouvez pas vous faire ministre vous-même de la parole. C'est Dieu qui établit des ministres de la parole. Donc parce que ce ministre de la parole, ils sont comme les spécialistes de la parole. La parole, c'est leur matière, leur domaine. Voilà comment cet homme s'est cassé les dents et les pieds. Quand il prend la citation, il est accompagné d'un verset biblique. Et qu'il tire la conclusion. Pour dire que la science nous a trompés. Que la terre n'est pas circulaire, elle est un carré. Frère Branham n'a pas dit ça. Mais il a posé seulement la question. Avez-vous déjà pensé au fait que la terre soit un carré? Laissez la question telle qu'elle est posée. Et si vous voulez répéter ça, répétez-le de la manière dont il l'a dit là. Il ne faut pas confondre les choses. Donc tes propres confusions ou ton ignorance, tu vas mélanger ça avec le message et de la révélation. Il est vrai qu'il y avait quatre anges aux quatre coins de la terre. Mais il est aussi vrai que la terre est un cercle. Ésaïe 40, verset 22. Ésaïe 40, verset 21 et 22. 22, c'est là où il y a la porte. Ne le savez-vous pas? C'est encore une question. Ne l'avez-vous pas appris? Il y a une question, ce n'est pas le prophète Branham, mais le prophète Ésaïe. Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui, donc lui Dieu, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Et le déploie comme une tente pour en faire sa demeure. La terre est un cercle. Ma belle, elle a dit tout. C'est le mot qu'on a dit. Vous habitez. Vous quittez. Et vous avez dit que nous avons une bandelité. Vous avez dit que nous avons une mobilité. Et vous avez dit que nous avons une mobilité. Vous avez dit que nous avons une mobilité. Vous avez dit que nous avons une mobilité. Vous avez dit que nous Alors, si vraiment, frère Branham, en disant, en nous faisant réfléchir au fait que la terre soit un carré, il voulait démontrer que la terre ne soit pas circulaire, alors aussi que cette intention aurait été celle de contredire la Bible. Mabele ezali na lolenge oyo ya carré ezali na libungu tuluté soki bongo elingaki nde kotelemelelaka oyo bibili elobi. Or, il ne pouvait pas faire ça. Même si ça pouvait se passer en tant qu'humain, il allait se soumettre à la Bible si on lui faisait remarquer. Soki esalama bongo lokola pe mutu etaki kobunga kasi soki batalisi parce qu'il avait toujours dit qu'il avait un profond respect pour cette Bible. Pour la parole écrite de Dieu. Et il répétait, mes paroles peuvent faillir, car mes paroles sont les paroles d'un homme, elles peuvent faillir, mais j'aime toujours la lire ici, parce que celle-ci est infaillible. Descends en main. Et regardez ce qu'il y a là. Bon, maintenant, la terre qui est un cercle, dit la Bible, et la terre avec quatre coins, dit la même Bible. Alors, il y a la révélation qu'on doit maintenant comprendre. Donc, en prenant les deux vérités bibliques, si nous prenons d'après la science humaine, le cercle n'a pas de coin. Mais on peut y placer des points imaginaires quand on veut tracer par exemple le diamètre d'un cercle. Et alors, les mesures habituelles du cercle, vous voyez, vous mettez le centre là avec votre compas. La moitié du diamètre, c'est ça le rayon. Et la longueur entière, les deux fois rayon, ça nous fait le diamètre. Et si on veut calculer la surface du cercle, vous avez la formule habituelle. Je ne veux pas aller là-bas. Restons ici dans le cercle. Je commence à aller très loin. Alors, vous avez un point imaginaire, voilà. Sinon, ça va vous perdre. Un point imaginaire, et vous avez un centre ici. Si le cercle était un dessin, donc le point central, c'est le centre du cercle. Alors ces points peuvent servir de référence, de repère. Pour tracer le diamètre, pour calculer le diamètre. C'est à fait. Mais le cercle n'a pas de coin. Mais si vous avez un carré, le carré lui c'est visible, il a quatre côtés. Ah, comment vous appris à l'école primaire, qu'est-ce que le carré? Le carré est une forme géométrique qui a quatre angles égaux, quatre angles droits et quatre côtés égaux. Quand on parle de quatre angles droits là, il s'agit de quatre coins. Alors si la terre est un cercle, et que le prophète nous dise que cette terre est aussi un carré, on peut imaginer une situation pareille. La forme physique réelle elle-même, c'est un cercle. Mais on peut envisager quatre points. Et c'est ce qui s'appelle les quatre points cardinaux. Autour de la terre. Vous avez au-dessus le nord. Vous avez en bas le sud. Et vous avez là-bas l'est. Et ici l'ouest. Ça fait quatre points de référence. Ici un point, là-bas un point, ici un point et là-bas aussi un point. Et si même nous prenons ces points de cette manière, on les trace comme ça. Ça nous donne toujours un carré. Le carré de la terre. Quand le Branham a parlé de la terre en tant que carré, il a expliqué par rapport aux quatre points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest forment un carré autour de la terre. Mais il n'avait pas dit que la terre était carrée pour contredire la version qui dit que la terre est circulaire. Alors, celui qui fait contredire la Bible, il ment. S'il dit que d'après frère Branham, la terre n'est pas un cercle, il ajoute à ce que Branham a dit. Et il ment. Revenons à Apocalypse 7 alors. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Na simana likaboyo na manaki banje minei batelani na suka nyonso minei na mokili. Osimbaka mipepe minei na mokili. Na mfuna yote mipepe pate na mokili. Soko na maite, soko na zete mokote. Donc, ce verset demande qu'il y avait un ange posté au nord, un autre au sud, un autre à l'est, un autre à l'ouest. Et il contrôlait les mouvements de vent qui soufflaient sur la terre. Il retenait cela pour que ce vent ne nuise pas à la terre. Jusqu'au temps marqué. Nabongo, moulomo, j'allais porter les châtiers. Bon, j'ai le moulomo. La tiama qui ouan a moko, a zala qui ricolo, moussous n'angolé, moussous n'aïe du melinantango, moussous n'aïe la lelinantango. Pas de pas quand même pépé n'y en soyo. Et banda qui ko pépé n'a mon client, j'ai pépé n'a l'autre qui n'en entambo oye et l'on m'obane. Et dans les symboles prophétiques de la Bible, le vent représente la guerre. Amen. Na, il y a une guise, oye a kota l'issaka na biblia, soye qui batali kolobo mi pépé. Il y a une guise à kolobo et oye a mi tumba. Alors, que la guerre vienne du nord! Ou par le roi du nord, elle devait être retenue et contrôlée pour qu'elle ne puisse pas atteindre toute la terre avant le temps marqué. Attends que vous tombez en haut, ils allaient encore autant de temps dans mon cousin Ali Polo. Ils sont allés être signes dans ma liette, vous tombez en haut à taille bandicassi, et comment dans mon cousin Moubimbaté. Elle préfère appeler ce fait, mais elle sera retenue quelque part parce que cet ange-là contrôle ces vents-là. Comprends cette pierre-là. Elle ne va pas embraser toute la terre avant le temps de Dieu. Ou même si elle pourrait venir du côté oriental, de la Chine là-bas. Un autre ange est posté là-bas. Moi, je le Quand je dis ça, il ne s'agit pas de fiction. C'est la réalité que nous vivons maintenant. Ceux qui n'ont pas vu pour les salles, ils ne vont pas en sauter. Alors que je vous prêche ici, les quatre anges sont en poste. Maintenant, ils sont là en poste. Contrôlant les effets de guerre. La Chine peut se fâcher, aller attaquer là-bas. Mais ça ne va pas déborder. Il faut que ça soit limité. Parce que la terre doit d'abord être protégée jusqu'au temps marqué. Même si la guerre pourrait venir du sud ici, on dit que les anglo-saxons qui avaient colonisé l'Afrique du Sud viennent utiliser le sud africain pour pouvoir déclencher une guerre mondiale. Pour que les armées des superpuissances et les multinationales viennent se réunir ici au sud, au niveau de la RDC avec les richesses minérales et tout cela, pour dire déclencher un mouvement qui vient du sud, qui monte, qui puisse atteindre le monde entier, l'ange du sud va contrôler. Attends qu'on va tourner mon bon à mon climat bimba. Oh bah ouais, t'es le col à ma bonne à RDC Zalina. Ma camoufling la soin, bon bombing. Papa qui s'attaque tout ma bison à bison à l'aise. T'es moi je l'ai engueulé. Après la licorne en haut. Voyez là. La RDC est sous l'influence et de l'ange du sud et de l'ange de l'ouest. RDC, Azaline, Otala Mapesan, Abangeli Nibale, la guerre mondiale ne partira pas de chez nous. Même si les gens racontent ça, voilà, la guerre mondiale va partir de la RDC. Nous coûtons la bateau, c'est pas ça. Deux anges sont là. L'un contrôle côté sud. Et l'équateur qui est cette ligne-là, un central qui traverse le cercle de la Terre, traverse la RDC, non? Donc une partie de la RDC se trouve dans l'hémisphère nord, une partie de la RDC dans l'hémisphère sud. Et la RDC se trouve au centre de l'Afrique. Et la RDC est dans la catégorie à modeler en Afrique. Donc l'influence de ces deux anges par proximité comme ça, et les autres par éloignement, mais ça ferait que la guerre mondiale ne fait pas partir de la RDC. Arrêtez de rêver ou de tromper les gens. Arrêtez. Voyez frère, même qu'on aille vers l'extrémité ici, vers la côte ouest et de l'Afrique qu'on sort, l'ange de l'ouest contrôle toutes les nations qui sont là-bas. Pour vous dire que la terre est sous la supervision directe de Dieu. Et vous savez ce qui est écrit dans Amos au chapitre 3. Arrive-t-il un malheur sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Aucun malheur ne peut frapper la terre sans que Dieu y soit comme impliqué. Parce qu'il a ce pouvoir de contrôler partout. Ce qui va se passer, c'est ce que lui a laissé faire. Il est l'auteur des événements qui se produisent. Soit par permission, soit par autorisation. Mais c'est lui qui est derrière. Nous devons le craindre et le redouter. Dans Ézéchiel 7, c'est lui qui annonce un malheur unique, et il appelle ça la fin. Il a dit que la fin arrive et la fin arrivera en son temps à lui. Pas embarqué par l'homme, pas par la volonté d'un humain, mais pas embarqué par Dieu lui-même. Cette fin arrivera et il va assouvir sa colère. Béni soit le nom du Seigneur du fidèle. Alors, nous revenons à ce verset que nous lisons ici. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis quatre anges. Ils sont au nombre de quatre. Ils sont à... Pas huit. Pas 16. Donc quatre dans chaque coin. Non. Un à chaque coin. Il y a quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Jean les a vus et nous déclarons qu'ils sont en fonction maintenant. Et c'est eux qui avaient empêché que la bataille d'Armageddon n'ait pas lieu pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a pris fin de manière mystérieuse. C'était au mois de novembre 2018, et dans l'an 1918, à 11h du matin, à 11h11, les hommes de la terre n'ont jamais compris comment ça, ça finit comme ça. Pendant qu'on s'attendait au pire à la chimérisation. C'était les quatre anges. Vous êtes bâtis ici. Stop! Plus personne ne voulait tirer. Les armes de Russes, les armes des Allemands. Tout! Pour que personne ne tire. Les anges ont conjugué leur effort pour imposer la fin de guerre au même moment. Et toute la terre a vu guerre mondiale inimistiquement. Et pourquoi Dieu a actionné ces anges-là? Parce qu'il voulait laisser un signe prophétique. C'était au mois de novembre, 11e mois. C'était le 11e jour. À 11h du matin. À la 11e minute. Pour ouvrir l'espace aux ouvriers de la 11e heure. Amen. Amen. Les ouvriers de la dernière heure, du dernier âge de l'église, ceux de la dernière série avant l'enlèvement, il fallait qu'ils fassent leur travail en faveur de l'église, là où pour permettre aux âmes élues de recevoir les sons de Dieu. Et son travail qui a démarré là. C'est pour ça jusqu'à maintenant. Dieu prolonge le temps de sa patience. Comme il avait fait au temps de Noé. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. Et à la connaissance de la vérité. Et que les élus, aucun Dieu ne soit perdu. Que les élus soient scellés. Béni soit le nom du Seigneur. Que les âmes élues entendent le signal et l'importance. Si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, voici ton temps de grâce. C'est la prolongation de la patience de Dieu. Il pouvait laisser faire. Mais Dieu a actionné les quatre ans. Et ils ont imposé une fin mystique à la première guerre. Et la terre a connu des moments de développement pour accomplir notre prophétie biblique. Regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils sont poussés et que leurs branches viennent tendre, vous savez vous-même en regardant que l'été est proche. Vous aussi les croyants. Lorsque ces choses commenceront à s'accomplir, gardez-les sur vos têtes. Par le Fils et le Père. Il doit venir enlever les siens avant que le pire ne se produise. Avant la tragédie finale. Avant de libéraliser les quatre anges. Chers amis, si Dieu laisse les quatre anges relâcher leur banderole, faut qu'ils aient apporté les banderoles éliminées. Bâti comme c'est un mot. Et qu'il y ait la guerre qui vient de l'Est et la guerre qui vient du Nord et les guerres qui montent du Sud et les guerres qui viennent de l'Ouest et les guerres qui viennent de la terre invivable. Mais ce temps-là arrive. Dieu l'a prévu dans son programme. La ruine s'abattra sur les gens. La Bible dit qu'ils n'échapperont pas. Ceci est vrai et doit nous tenir en éveil. Nous devons échapper à cette catastrophe par la voie établie par Dieu. Cela prépare l'épouse pour l'enlèvement. Êtes-vous là? Vous allez voir. Et j'ai toujours béni Dieu de ce que le 21 janvier 1994, lorsqu'il m'a appelé, c'était 11h du matin. Alors je sais que par la grâce de Dieu, je suis l'un de ces petits ouvriers de la 11e heure. Même le naturel flamme. L'horloge est indiqué 11h. 11h dans cette série-là. Et Dieu vous rappelle. Pour son travail, pour le salut de vos âmes. Écoutez la voix du Seigneur et convertissez-vous. Recevez le soin de Dieu avant qu'il soit trop tard. Votre message est urgent et court. Nous ne serons pas trop longtemps ici, mais nous devons être prêts pour le départ. Apocalypse 7. Nous prenons le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, du côté de l'Est, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Frère Brenham dit que cet ange, c'est Christ. Il était un autre, pas de la série des quatre. Mais il venait du côté du soleil levant. Et Frère Branham dit, cet ange, c'est Christ. Il viendra du côté de l'Est. Pour sa venue dont nous l'attendons ici. Il viendra de l'Est. C'est de ce côté-là qu'il s'élèvera. Oh, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Autant du soir, la lumière paraîtra. La lumière du soir prépare le retour de Christ. Et le retour de Christ est un matin, un nouveau lever du soleil. Un nouveau jour qui commence. Amen. Je baptise, c'est pas une loi, j'aime faire regarder le candidat du côté du soleil élément, lui annoncer que je te connecte là, du côté où Christ viendra, du côté du soleil élément. Allez. Et ça n'est pas peut côté. Donc l'auditoire regarde à l'est, la chef se trouve à l'est. Et quand les campements se faisaient dans le tabernacle au désert, dans l'Ancien Testament, le lieu de campement de Lévi. Et si c'est du côté du soleil levant. Pourquoi il se déplace pas avant de camper de nouveau? Le soleil se lève où? Lévi vient avec ses troupes, il s'installe. Les autres vont au nord, les autres au sud. Mais l'orientation vient de l'est. Et quand le sacrificateur entre une fois dans les lieux très saints avec le sang pour faire l'expiation des péchés, des iniquités des chrétiens, il y allait avec le vent qui contenait le sang du sacrifice et avec de l'hysope dans sa main droite, la marche était programmée très simplement. Et quand il entrait dans le sein de sang, la parole de Dieu ordonnait au souverain sacrificateur de faire l'aspersion du sang cette fois sur le propitiatoire, mais en direction de l'Orient. C'était écrit comme ça. Et c'était pratiqué comme ça. Il y avait besoin de débats et de philosophie. Dieu l'a dit comme ça. Et on l'a pratiqué comme ça. Il devait faire l'aspersion vers l'Orient. Première fois, il trempe, il cherche le sang sur le propitiatoire, mais il descend de l'Orient. Deuxième fois, et dans la prophétie, les sept fois représentaient les sept fois de l'Église. Et le sang de Christ qui a coulé sur nous a coulé depuis l'Orient. Du côté du soleil levant. Ceci c'est oui et amen. Nous ne fabriquons là aucune doctrine. Hein? Mais nous mentionnons le fait divin. Les réalités du service divin. Okay. Il dit ceci au verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Qui est celui qui bâtit ses destins d'esprit et de feu? C'est Jésus-Christ qui est venu après les combattants. Il n'y a que lui qui peut tenir le sceau. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Namonaki pe munje mususu koneto utana ibimeli na ntango azalaki na yele mbona nzambe na bomo mpe angangaki na mungongo makati na bonye na banje bango minei ba oyo bazwa kinguya na kobebisa ka mokili na mai pe alobi eti bebisa mokili na mai na nzotete kino ekosila bisa kwa chaka bilembo na bilembi ya baombo na nzambe na biso. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été voyez bien aimé, après l'enlèvement de l'église, c'est là que s'accomplira le passage d'Apocalypse 7 ici. Que seulement les 144 000 juifs israélites plutôt aura lieu après l'enlèvement de l'église. Mais la vision décrit le plan général de Dieu. Quand Christ reviendra de l'Orient et qu'il va enlever l'église, il ordonnera ensuite aux quatre anges de ne pas se précipiter. L'église sera partie, oui. Mais il va les redonner, nous. Ne faites pas, ne libérez pas encore la guerre générale. Il faut que les 144 000 israélites soient d'abord scellés à leur tour, après le tour de l'épouse, qui ont été scellés sous le travail des ouvriers de la 11e heure. Et c'est vrai que, c'est le sens de ce mot d'ordre. Ne faites pas comme ça. Parce que l'Église, c'est la puissance qui contrôle les temps actuels. Grâce au Saint-Esprit qui opère en elle, beaucoup de choses sont prenées. Mais dites-moi, de temps en temps, vous n'entendiez pas un peu trop de guerre autour d'Israël et Jérusalem? Mais vous, un tout petit troupeau ici à Kinshasa, noyé dans la grande capitale. Depuis que nous avons commencé la chaîne de prière en 2021, en commun accord avec la construction de notre tabernacle. Est-ce que vous apprenez beaucoup trop de bruit de guerre en Israël? N'avez-vous pas remarqué la grande accalmie? Je vais vous dire. Pourquoi? Le Dieu créateur, votre Dieu, il peut écouter votre voix. Peut-être toi tu ne sais pas ce que tu es. Tu viens ici par tourisme. Il s'agit du service divin ici. Et nos prières, Dieu créateur, les écoute. L'auteur de la Bible ici avec nous. Même si nous manquons ceci et cela, mais nous savons Dieu qui est ici. Amen. Ce que nous lui demandons, il peut intervenir même à distance. Même là où nos pieds ne sont jamais arrivés, notre prière sera exaucée là-bas. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Vous pouvez prier ici. Si fait nombreux insignifiants que nous sommes. Mais pour Dieu, il s'agit de servir à lui. Que lui tienne dans sa main. Et que lui ne peut agir de lui. L'armée du Père Céleste. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Je ne suis pas ici pour vous donner de fausses assurances. Même pas vous flatter. Mais je vous parle de la part de celui qui a ordonné de perdre ses brebis. Et son nom n'est pas une fiction. C'est un autre réel. Et c'est pour le bien de vos âmes. Comme Israël, vous pouvez paraître faible et insignifiant. Ne crains pas un petit troupeau. Volonté de ton père, je vais te donner le royaume. Quand Jésus-Christ était sur la terre, les pensées qu'il y avait des troupeaux, des récompenses. Et voilà, c'est lui là-bas. Le royaume de Dieu, c'était ça. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les gars. C'est l'humilité, la Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. On achète même Alléluia. Je suis heureux de pouvoir le dire. Être l'une de ces minimisables brebis. En entendant la voix des maîtrises du Seigneur. Marchant dans ses commandements. Recevant ses directives. Nourris par sa grâce. Protégés pour l'éternité. C'est l'édition du Dieu vivant. Oh Dieu bon. Le roi de justice, le roi de paix, le roi de Jérusalem, il écoute les prières du petit troupeau. Amen. Les prières peuvent bouger les lignes de Jérusalem. Regardez autour de vous. Les échauffourées sont allés ailleurs. Mais les prochains rien là-bas est calme. Pourquoi? Entre autres parce qu'il y a ces petits troupeaux qui prient. Juste dans cette chaîne de prière où nous sommes des faiblards. Mais le messager nous a dit, si autant des gens se présentent devant Dieu au même moment pour demander la même chose, Amen. Dieu est obligé de répondre. Ce qui passe, nous sommes tous les membres. Quand on a reconnu Israël, l'ange est venu à William Branham. Je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Vous n'avez pas l'homme de la relève ici. Vous n'avez pas de successeur de William Branham. Nous avons Jésus-Christ lui-même. La personne est la plus importante. Êtes-vous heureux? Alors cette bataille d'Armageddon aurait pu se produire en ce temps-là. Mais Dieu ne l'a pas permis. Quand les anges en fonction ont stoppé. Il pouvait juste ouvrir chacun les vagues et déclencher les hostilités. Celui du nord est allé. Et celui de l'âge, lâché. Je suis lâché. embrasser un alien. Et il n'y aura pas d'endroit où s'échapper. Et pour vous là, que Dieu soit béni. Lui, notre bienfaiteur. Que son nom soit béni. Vous voyez qu'il contrôle tout. Il contrôle vraiment tout. Et nous l'aimons pour ça. Oh mon Jésus. Ici dans Daniel au chapitre 8. Il est écrit ceci. Au verset 15, Daniel 8, verset 15 à 19. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Un homme apparemment homme. Un homme en apparence homme. C'est encore théophanique. Voilà l'apparence. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il veut alors près du lieu où c'était. Et à son approche, je suis effrayé et je tombais sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin. C'est un temps connu de Dieu et marqué par lui. Et ce sera pour ce temps-là la vision. Bongoya oyo abelamati na esika etelamati ngai mpe wana ekomaki ye ngai nabangaki mpe nakweyaki na elongi na ngai nde alobaki na ngai ete oyeba mwana na moto ete emonoleli ezali mpona ntango na suka. Il dit alors, comme il me parlait, je reste frappé d'étourdissement la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère, au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Amen. Et ça doit être scrupuleusement respecté ce temps. Yende akamataki ngai mpe atelemisaki ngai. Alobaki ate tala, nakoyebisa oyo yango ekozala na suka na ntango na kanda. Mpo ete ezali likambo na ntango eponami na suka. Ya enta marke pour la fin. Ezali na ntango esili koponama mpo na suka. Et avant ce temps-là, la fin ne sera pas là. Liboso ya ntango yango suka ekozala nanu. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Béni soit le nom du Seigneur Dieu fidèle. Daniel 11. Voyez ce qui est écrit ici. Verset 27. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Il peut y avoir les rois, il y a eu ces rois. Le bonhomme a attiré notre attention. Pendant qu'il prêchait son message, il y avait les rois du nord. Et le roi de l'Amérique. Il y avait un certain Khrushchev et il y avait un certain Eisenhower. Eisenhower était le président des États-Unis d'Amérique. Et Khrushchev était le président de l'URSS. À cette époque où le ministère de William Branham s'exerçait. Or, Eisenhower signifiait le fer. Et Khrushchev signifiait argile. Et les deux se sont retrouvés dans des pourparlers autour d'une table. Et Khrushchev s'est fâché, il a enlevé une des chaussures, il a tapé sur la table, comme s'il voulait faire tout capoter. Mes chers amis, le Branham nous a dit que nous sommes au temps de la fin, mais leur colère n'a pas embrasé la terre. Pourquoi? Il y a un Dieu suprême qui contrôle même les humeurs et les programmes des rois. Amen. Dieu contrôle l'univers. Rien ne s'est passé sans ce que nous. Il dit, la prophétie dit ici, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps magique. Amen. Voilà ce que dit. Chers amis, la bataille là qui se passe en Ukraine, c'est voulu par certains lobbies. Parce qu'il y a des guerres comme ça, il y a des gens qui profitent pour s'enrichir à l'excès. Mais il y a des vies humaines qui sont sacrifiées. Mais ils n'ont que faire de vos vies là. Mais ils cherchent à remplir leur compte bancaire. Il y a faire des réserves pour des siècles à venir. Réserves d'argent pour leur famille, et leurs descendants, et leur arrière-arrière-petit-fils et tout ça. Et il y a des trafics illicites d'armes, je ne sais pas, au-delà de la guerre médiatique. Donc il y a de ces choses que les chaînes traditionnelles de l'Occident ne vous diront jamais, c'est cette guerre-là, vous savez. Parce que le ministre national donne la ligne de conduite aux médias. RFI, FF5, CNN et tout ça, ils sont dans un vaste complot. Quand ils veulent que les mensonges soient imposés aux gens, ils vont dire les mêmes histoires. Ils sont en train de gérer les intérêts. La vérité de quoi Dieu seul qui sait. La Bible a dit avec raison que la vérité trébuche sur la place publique. Dans les marchés, dans les médias publics, dans les stades, il n'y a pas de vérité là-bas. Aux chaînes de télévision, ceci, mensonge. Même les chaînes soi-disant du message et tout ça. Méfiez-vous. Ce sont toujours des médias publics. Les mensonges sont entrés partout là-bas. Oh, moi, je me suis vraiment ceci, dit n'importe quoi. C'est nous à la parole. Frère aime la parole. Tiens-toi à la parole du Seigneur. Vous parlez s'appuyer sur les histoires. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ici Daniel 11, verset 35. Quelques-uns des hommes sages s'y comberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Insister et on doit retenir ça comme ça. Il y a un horloge des événements, un calendrier des événements. Chaque chose vient en son temps. Je vous ai dit, même si on a nommé un général surnommé Armageddon, et que la donne sur le terrain venait de changer depuis le 10 octobre dernier, un changement de stratégie de la part de la Russie. Donc l'homme qui est nommé là-bas est un impitoyable. Il n'épargne même pas les humains. Donc les autres qui étaient là jusque-là, ils pouvaient mener les guerres en essayant de respecter tant soit peu les conventions internationales et tout ça. Mais ils Vous voyez là. Mais maintenant, on a changé de commandement. Et alors, l'article ici disait ceci. Un nouveau commandant russe en charge de l'offensive nommé Sergei Sourovikine, 55 ans, vétéran de la guerre civile au Tadjikistan. Et de la deuxième guerre de Tchétchénie en l'an 2000, c'est toujours lui. Et de l'intervention russe en Syrie en 2015. Les commentaires disent ceci. On nous dit, après la stratégie de la terre brûlée qui consiste pour l'armée russe à ne semer que dévastation suite à son passage, l'heure est à la stratégie de la terreur. Et ce sont des frappes inutiles sur le plan militaire, mais spectaculaires. Et c'est un avertissement pour qu'il n'y ait pas de nouvelles frappes sur la Crimée. Analyse Sophie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie. Bon, un changement de commandant et de stratégie censé donner un coup de fouet aux troupes russes. Mais si le responsable à la tête de l'armée russe succède, derrière seul Poutine reste. Voilà ce qu'il y a eu là. Et ce général, on l'a surnommé Armageddon. Alors, âgé aujourd'hui de 55 ans, il est un militaire craint et respecté. Analyse un correspondant local de la chaîne. Il s'est distingué en Syrie en l'an 2017 où il a été décoré du titre de héros de la Russie. Et il est devenu commandant en chef des forces aérospatiales russes. Surnommé Armageddon. Et c'est d'ailleurs en Syrie que la réputation de Sourovikine le précède. Oui, et le nouveau commandant russe aurait dans le milieu une sinistre réputation. Il aurait adopté la même stratégie qu'actuellement en Ukraine. On l'appelle Armageddon, car pendant la dernière partie de la campagne de Syrie, il avait fait la même chose avec des tirs disproportionnés, visant indistinctement civils et militaires. C'est ce qu'il a fait en Syrie en 2017. Et les gens l'ont surnommé Armageddon. C'est probablement ce qu'il va faire là-bas. Mais oui, au point que le président ukrainien soit contraint de vivre en clandestinité. Il semble même qu'il a fui la capitale. Il n'est plus là. Depuis les quelques jours ici, donc, ça chauffe. Avec le changement de commandement, donc ça brûle terriblement et il semble qu'il a pris. C'est Dieu qui aide. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le fait qu'on a nommé un commandant surnommé Armageddon que la bataille d'Armageddon a commencé. Elle ne peut pas commencer maintenant. Tout ce qui se passe là, c'est comme Joël a dit, nous l'avons lu, dans Joël 3, verset 9, amener les héros. Faites venir, celui-ci c'est un héros de la Russie comme on dit, mais pour ces héros. Le Seigneur a dit préparer la guerre. L'écriture sur la muraille maintenant, c'est ça. Malgré les petits mouvements ici, conflits à l'est, ça prépare une guerre qui sera planétaire. Et la terre sera invivable, je vous assure. Il ne faut pas souhaiter être sur la terre à ce moment-là. Souhaiter comme moi être dans l'enlèvement avec Jésus-Christ. Le quoi là, aussi, que le bénévole était, j'allais te péter ma petite, ma coquine, à mon conjo, ma petite, ça comme il y a un marque, donc, le bout de ma voix, bandit. Le bout de ma voix, dans le bandit. A ta condamné, Zaluana, du Tumbawa, Bonaboye, Nenge, Tokotanga, la Yoena. Et tes bains, il s'est blombé, le quoi là, il m'a fait son conjo, à l'année de l'homme, il a réussi, à l'homme, bon, il s'est blombé, Baya, Boudoum, du Tumbaza, la Ménata, Kassi, et Zalu Bongote, qui n'a été, du Tumbawa, quoi, et Salim. Donc Joël dit préparer la guerre et nous assistons là à la préparation de cette guerre. Mais pour que le rassemblement direct en vue d'Armageddon se produise, il doit se produire sous impulsion de la sixième coupe de jugement qui sera déversée sur le fleuve Euphrate. Et ça ne peut pas se faire avant l'enlèvement de l'église, ce sera après l'enlèvement de l'église. Et quand cela va se passer, après l'église a dit, il a vu trois esprits semblables à des grenouilles. Mais c'était les esprits des démons qui sortaient de la bouche de la bête, de la bouche de la, du faux prophète et du dragon. Que voyez-vous dans le plan prophétique là? Les quatre anges qui étaient aux quatre coins de la terre. Quand les 144 000 Israélites auront reçu le sceau du délivrement. Et cela se passera environ 3 ans et demi après l'enlèvement de l'église. Dès que les 144 000 Israélites auront été scellés, les quatre anges vont relâcher les vents. Ils vont plus détenir les vents. Et dans la même période, un autre événement du côté démonologique va se passer. Comme les 144 000 auront été scellés, le Seigneur de Dieu leur fera ouvrir les yeux pour constater que l'alliance dans laquelle Israël se retrouvera engagé en ce moment-là avec le Vatican était une duperie, une séduction. Et les 144 000 seront le fer de lance de réveil en Israël pour bouder l'alliance. Le pape profitera pour rompre l'alliance. Et comme dit la prophétie de Daniel, il fera alors cesser l'offrande perpétuelle qui aura été rétablie dans le temple qui sera reconstruit là. Et il se rendra compte que c'est grâce au ministère de Moïse et Élie, les deux prophétistes, que les 144 000 auront vu clair. Et il va les martyriser, les deux prophètes. Dans sa colère immédiate, il va organiser l'assassinat des deux prophètes, Moïse et Élie, là, à Jérusalem. Et leurs corps seront étalés sur la place publique, Ça passera dans les médias pendant trois jours. Leur corps sera étalé pendant trois jours. Et le monde entier verra leurs cadavres. Mais parce que notre Seigneur, il est ressuscité de la vie, par les secours d'aucune main, et selon le plan de Dieu, au troisième jour, et l'Esprit de vie viendra du ciel, entrera dans le corps de Moïse-Denis. Ils reprendront vie. Même, comme l'a été Jésus le Christ. Il était ressuscité sans le secours d'aucune main. Et cet événement va étonner le monde. Et pendant qu'ils chercheront à apprendre plus de ces deux, la puissance qui avait enlevé l'église de la terre, c'est déployé de nouveau. Et enlèvera de la terre Moïse et Élie pour le Messie. Alors le pape sera dans la confusion. Maintenant qu'est-ce qui va arriver après ça? Bon, les 144,000 vont déclencher les hostilités contre la papauté. Contre le Christianisme. Et le pape dira, ok, comme vous commencez la guerre, moi je vous fais la guerre. Pendant les 42 mois qui vont suivre. Il va les poursuivre et les martyriser tous. Il va les tuer. Mais quand il aura épuisé de massacrer les 144,000, le nombre de martyrs sera complet. Dans le plan de Dieu. Et Dieu dira, c'est fait maintenant. Tu as trop osé. Tu es arrivé au débordement. Maintenant, je vais te récupérer. La guerre va se généraliser. La Russie entrera en scène. Dans la première phase, ils seront alliés avec le Vatican. Contre Israël. Mais Dieu, comme il est le Dieu d'Israël, il reproduira l'histoire de l'époque des anciens prophètes. Où les Édomites, ou de la montagne de Séir et les Moabites, ont formé une coalition à trois. Ils sont venus attaquer Israël. Mais à la première phase, ils étaient ensemble. Mais à la fin, ils ont retourné leurs épées les uns contre les autres. Dieu va semer la confusion dans les rangs des troupes qui seront alliés à la Russie. Et alors, dans sa colère, la Russie va d'abord venger le Vatican. C'est la ville qui va disparaître, Rome va disparaître en 60 minutes. Amen. C'est déjà prévu. En une heure. Amen. 60 minutes exactement. Plus rien. Amen. Le collègue Toumba est dans la pénzam à Kassi. Il y a une personne qui s'en a dit. Russie n'a pas été pour le monde de Israël. Donc on a besoin de consacrer le col à ma conjoint misato na ngomba ya simu na ba mola. A quoi ça nous mûre quand il a bango bango na bango ba sangana kina ici wana na botunda. Donc bango kana na. C'est ici à quoi ça nous kanda na yera Vatican. Les animaux quoi le Biblia ici pour le bénéfice. Nangonga moko na bini kiti motoba. Yaya di kambogo ici na bako tunza yango tika le. Et de là la guerre va se généraliser partout. Toutes les nations de la terre seront embrassées. Et il y aura des morts en nombre innombrable. La prophétie précise qu'ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils vont pourrir à même les sols. C'est l'enlèvement. Peut-être que parmi ces cadavres qu'on décrit là, il y aura son corps qui finira comme ça. responsable de la famille dit Bembe. Et le nombre de morts ne saura pas être compté. C'est non, la main de grâce de Dieu maintenant. Dieu a dit préparer la guerre. Nous sommes dans la préparation de la guerre. Notre préparation à nous consiste à vouloir échapper. Parce qu'après ça c'est le pire. C'est je veux lire une chose ici. Que Frère Branham disait. Je pense que ça vous fera encore du bien. Les questions-réponses du 30 octobre et 30 août 1964, le soir, question-réponse numéro 4. Comme ces frères-là qui ont posé une question-là, au sujet de la fin de l'âge de la Odyssée. Disant que comme l'âge de l'église de la Odyssée est terminé. Alors, au paragraphe 74, je lis ceci. Non, je n'ai jamais dit qu'il est terminé, l'âge de la Odyssée. Il dit, si je l'ai fait, vous avez mal compris. Ou bien je me suis mal exprimé. Non, c'est des fois ça. Là où des fois il s'est mal exprimé, quelqu'un s'approche à ça, le prophète a dit, il va vous servir de son mauvais esprit. Oh, l'âge de la Odyssée est terminé. Branham a dit, soit c'est vous qui avez mal compris, soit je me suis mal exprimé. Mais je n'ai jamais dit que l'âge de la Odyssée est terminé. Ceci est le premier âge de l'Église. Et c'est la fin des âges de l'Église de la Odyssée. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça se termine, l'Église est partie. N'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est l'enlèvement de l'église qui marque la fin de l'âge de la Odyssée. Alors il dit, donc, tant que l'église est ici, il, c'est-à-dire l'âge de la Odyssée, n'est pas terminé. Voyez-vous? Puisque l'âge, encore une question, la question numéro 392, puisque l'âge de l'église s'est terminé et se trouve assombri, que l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de la tribulation? Non. Je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps cela. Voyez-vous? L'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. L'Odyssée va dans les chaos. Et l'épouse va dans la gloire. Et la Vierge endormie entre dans la période de tribulation. La période de tribulation commence pour les Vierges endormies, pour 3 ans et demi. Pendant qu'Israël reçoit sa prophétie. Puis la tribulation vient sur Israël. Et ensuite a lieu la bataille d'Armageddon. Et après le ministère de Moïse et d'Élie. Après le scellement de 144,000 Israélites. Ensuite a lieu la bataille d'Armageddon. Qui détruit toutes choses. Êtes-vous là? Qui détruit toutes choses. Et qui épargne le côté. Atta au son de matériaux durables. Atta au son de 250 immeubles. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Cherche la vie éternelle. Cherche le sceau de Dieu vivant. Cherche le Saint-Esprit de Dieu. Avant qu'il soit trop tard. Que la bataille d'Armageddon qui vient, elle détruira tout. Et puis, l'époux revient avec l'épouse pour 1000 ans. après la bataille d'Armageddon. L'époux revient avec l'épouse pour Milan. Le règne des millénaires. Et après cela, vient le jugement du trône blanc. Et après cela, apparaissent les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ainsi que la nouvelle vie. Ville qui descend des cieux, d'auprès de Dieu. Après le jugement dernier. L'éternité et le temps fusionnent alors. Êtes-vous là? Que Dieu soit béni. Maintenant la question 393 dit, le Saint-Esprit vous a dit que les trompettes n'ont rien à voir avec l'épouse. Est-ce que les sept coupes ont quelque chose à voir avec nous? Réponse, les sept coupes. Et vous savez que la sixième coupe va se déverser sur le fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate. Et alors, trois esprits sortiront de la gueule du dragon, la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes. Les esprits des démons vont rassembler les rois de la terre et les amener vers un lieu appelé en hébreu Armageddon. La vallée de Megiddo. Là où on ne rien. La vallée de Jézreel. Dont le prophète Joël avait aussi mentionné. Et cette bataille aura lieu là-bas. Mais c'est sous l'impulsion des démons. Les quatre anges vont relâcher les vents. Et les démons vont rassembler rapidement les rois. Vallée du carnage. Les cadavres des rois vont s'étaler là-bas. Dieu va les enterrer là-bas. Les squelettes vont rester là-bas. La vallée du jugement à propos de la terre d'Israël qui se sont partagés. Le pays des dieux. Ils le sont voués à la malédiction. Dieu les châtiera. Et le roi du nord sera confondu. Alors, on a posé la question. Le Saint-Esprit vous a dit que les trompettes n'ont rien à voir avec les poules, c'est que j'ai vrai. Mais en accord avec cet agis. Mais est-ce que les sept coupes-là, dont la sixième est l'un des facteurs prophétiques déclencheurs de la bataille d'Armageddon, est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec nous? Réponse, je devrais attendre pour voir si le Saint-Esprit le révèle de cette façon-là. Je ne le sais pas encore. Béni soit le nom du Seigneur. Au moins, vous avez vu la succession des événements prophétiques. J'ai essayé de pleurer ça seulement en passant. Pour montrer que nous sommes dans la préparation de la guerre. L'ordre de Dieu, Joël 3:9, préparez la guerre. Tout ce que vous êtes en train de voir là, même les guerres, bruit de guerre, soulèvement ici, stabilité là-bas et tout, concourent ensemble pour préparer la grande guerre. Mais quand cette guerre débutera, l'Église ne sera plus sur la terre. Mais parce que nous voyons à travers le cheminement, c'est très proche. Alors nos cœurs doivent être prêts. Pour le départ soudain et secret. As-tu entendu la bonne nouvelle? Cherchez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Miséricorde insondable. Oh, oh. Peut-il nous pardonner? Absolve ces grands copains, et mes péchés et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, vraiment. Longtemps, je ne dis ta face, oh, pauvre. invoqué son secours. Fermez mon cœur, fermez mon cœur à sa grâce. Blessé, blessé, le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, bravo. Oh Jésus, à toi je sais, heureux être je veux être libéré. C'est ton péché qui m'enseigne, pour à jamais élevé. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, Abraham. Prions chacun maintenant, ayons foi à Dieu. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Oh oui, pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, apprends-moi. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, tu es le Dieu d'Israël, le Dieu véritable et créateur, le Dieu tout-puissant et garant de l'alliance. Tu es notre parent rédempteur. Tu es le Père d'éternité. Tu es le Dieu de la mer. Le Dieu de vérité. Que ton nom soit glorifié et adoré. Lui qui ne cesse de faire du bien. Tu as exaucé nos prières. Quand nous réclamons la paix de Jérusalem, il y a la paix autour de Jérusalem. Et la paix dans la ville de Jérusalem. Tu contrôles tout, Seigneur. Toutes les petites précipitations unitiques, nous constatons simplement que ça s'est calmé. Chaque événement qui doit se produire doit avoir sa place, sa valeur dans la prophétie. Nous croyons que tu peux exaucer encore l'Église pour de nombreux jours et des années à venir. Toi qui es fidèle à tes promesses, fortifie la foi de chacun, brise les complexes, que nous sentions la liberté et la joie de te connaître, de marcher dans ta voie à toi, d'être tes brebis, de pouvoir t'aimer comme tu nous as aimé. Puisses-tu agir davantage dans la famille de chacun de nous, dans la vie personnelle de chacun de nous. Tu fais des grandes choses. Fais ces grandes choses, Seigneur. Pour stimuler nos cœurs à la joie, nous consoler et nous satisfaire. Différents problèmes que nous avons, tu n'es pas plus que des solutions pour nous. Fais suite, Seigneur Jésus. Tu es tout grand. Ce que nous demandons par-dessus tout, c'est le sceau du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas rester indifférents, même pas indolents. Nous voulons être actifs, même hyperactifs, pour avoir la sécurité éternelle, le Saint-Esprit d'alarme. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Réveille ceux qui dorment. Alors que la guerre se prépare et que tu as ordonné préparer la guerre. Réveillez les héros. Ils viennent et s'assemblent. Les temps vient. Les regroupements des nations se font. Mais un plus grand regroupement vient encore. Où les Arabes se mettront ensemble avec les rois du Nord et avec les rois de l'Orient pour aller attaquer Jérusalem. Nous devons savoir que le Dieu d'Israël ne sommeillera ni ne dormira. Il interviendra en faveur de son peuple et il défendra son propre pays. Mon Dieu, aide chacun de nous à être prêt. Non pas pour atteindre cette stratégie, ce chaos, mais être pris dans l'enlèvement avant que tout cela n'arrive. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Fais grâce à cette église que nous nous réveillons tous du sommeil, que nous puissions quitter les formalités, le péché, la moralité, mais que nous ayons nos âmes en feu pour le Dieu vivant, pour les affaires du royaume de Dieu. Répands ta grâce sur nous, au nom tout puissant de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.